Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 12 novembre 2014. Luc Desormeaux au micro, j'espère que vous allez bien. Et nous, on continue notre périple électrique cette semaine. On va parler de la Chevrolet Volt que j'ai eu la chance d'essayer. La semaine passée, on vous parlait de la Ford Focus électrique. Là, on s'en va avec la Chevrolet Volt, voiture électrique, voiture hybride. Ça dépend à qui vous parlez et comment vous en parlez aussi. elle change de nom, elle change de style de voiture dépendant à qui vous en parlez. Mais pour en parler, on va avoir notre expert en voiture électrique, celui qui était là la semaine passée pour parler de la Focus. Il est de retour pour parler de la Chevrolet Volt et c'est Simon-Pierre Rioux de l'AVEC. Salut Simon-Pierre. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va être une super émission aujourd'hui. Je pense que les gens sont toujours très intéressés par la Chevrolet Volt et se posent plein de questions là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir essayer d'élucider ce mystère qu'est la Volt, n'est-ce pas? On va essayer. Une des voitures électriques. On va utiliser le terme électrique, là, les plus populaires. Non, c'est une hybride branchable. Okay. Hybride rechargeable. Hybride rechargeable. Ah, c'est quand même une des voitures les plus populaires. Il y en a de plus en plus sur la route. Et pour finir ce magnifique trio, duo, parce que je me calculerai pas là-dedans comme étant magnifique. Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Bonjour messieurs. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Donc, Chevrolet Volt, messieurs, c'est bon, ça a été ma première voiture électrique que j'ai conduite. Je l'ai conduit en 2012, c'était... ma deuxième voiture que j'ai essayée en tant que en gros guillemets chroniqueur automobile, blogueur automobile. La première avait été une Ford Mustang, la deuxième que j'avais été capable d'avoir c'était une voiture de Chevrolet, c'était la Volt, c'était celle qui m'intéressait vraiment beaucoup dans ce temps-là pour différentes raisons. Et puis j'avais bien aimé. La seule chose que j'avais trouvé un peu dommage, puis je l'avais eu au mois de novembre, à peu près dans le temps où on est présentement, là. Il faisait froid, souvent on descendait sous zéro, et puis j'avais jamais été capable de faire un trajet complet sans que le moteur à essence démarre pour tout réchauffer et tout ça. Puis j'avais trouvé ça un peu dommage. Puis j'avais réussi à faire, je pense que c'est un aller-retour, ou un aller et un retour sans utiliser d'essence du tout, mais le restant du temps, des fois j'arrivais à 1 km de chez nous, puis le moteur décidait qu'il partait. Puis mon 0 litre au 100 km, c'était fini, envolé en fumée pour un petit 2 minutes de réchauffage de système avant d'arriver chez nous, et ça m'avait un peu déçu. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas que dans la version que j'essayais, qui était une 2013, fin 2012, j'avais l'option de changer. Parce qu'avant, les gens faisaient ça avec une résistance qui change. Ça se fait encore aujourd'hui, ceux qui ont, je pense, des 2011-2012. Il y a une résistance que tu peux poser, puis ça change la température à laquelle la voiture va démarrer, le moteur va démarrer pour réchauffer. Tandis qu'en 2013, si je me rappelle bien, on peut faire ça dans le logiciel de la machine. Je me trompe-tu, Simon-Pierre, ou t'es-tu plus au courant que moi là-dessus? C'est que ils ont changé la température minimale où le moteur à essence démarre. Supposément que la nouvelle génération, tu vas pouvoir avoir un mode 100% électrique ou peu importe ce qui arrive à l'extérieur comme environnement, ça va rester électrique, le moteur partira pas du tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être très heureux de cette nouvelle variable dans tout ça. J'espère que ça serait possible de faire la petite mise à jour pour les autres véhicules, puisque c'est seulement un logiciel, hein? Ouais, dans le fin fond, c'est à peu près juste ça. Mais on verra. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de faire la mise à jour sur les modèles plus anciens? C'est une question qui aura peut-être réponse un peu plus tard. Donc, la Volt, qui est une voiture qui a une autonomie d'environ 60 km. Je sais pas si GM l'annonce à 60 km. Je pense que GM l'annonce un peu plus bas que ça. Comme 50 km. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis en train de regarder, voir si je retrouve la donnée, parce que je l'ai sûrement recherché quand j'ai fait mon article. Mais on parle d'environ 60 km, 50 quelques kilomètres en tout électrique. Puis après ça, le moteur à essence va prendre la relève, puis va va recharger la batterie pour fournir de l'électricité au moteur électrique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une hybride, parce que bon, il y a un moteur à essence, puis on l'utilise dépendant du kilométrage qu'on fait. Si vous avez très peu de kilomètres à faire dans une journée, c'est une voiture qui est presque parfaite. C'est une 4 places, c'est pas comme la Focus dont on parlait la semaine passée, c'est vraiment une 4 places. Le pack de batterie passe vraiment dans le milieu de la voiture, ça fait un T à peu près. Ça passe dans la console centrale, puis ça va dans les sièges arrière, donc c'est pour ça qu'on a seulement 4 places. Mais c'est une voiture pour le reste qui est confortable. Elle est très jolie. Si on la regarde de l'extérieur, ça a presque l'air d'un petit coupé sport, là. Les lignes sont... Ouais, ça fait très sport. Ouais. Tu sais, c'est agréable comme véhicule. C'est très bas aussi. Donc, il y a des gens qui sont très grands. C'est un petit peu plus compliqué de rentrer dans ce véhicule-là. Ouais, on tombe dedans plutôt que de monter dedans. Mais bon, c'est une voiture qui a de la gueule, là. C'est joli. Puis c'est ça. Ça a un petit look sportif. Fait que ça a pas l'air d'une voiture nécessairement électrique. On sait quand on la regarde que c'est quelque chose de différent, mais bon, c'est une voiture qui est quand même très jolie à regarder. Volt annonce, je disais, Chevrolet annonce une autonomie de 61 km. Fait que c'est quand même possible. Ils sont pas trop pessimistes. Moi, j'ai réussi. Là, je l'ai eu en été. Fait que j'ai eu la voiture dans la semaine du 11 août. Bon, ça fait déjà quelques temps. Puis j'ai pas eu de problème de température trop froide. Hein. On se dit dans la semaine du 11 août, il fera pas moins 8 ou moins 3, on va être correct. Donc j'ai, puis je vais m'en brûler le punch, là, j'ai réussi à faire ma semaine au complet, donc mes 54 km d'aller-retour sans utiliser une goutte d'essence. J'ai remis la voiture, les voitures de presse, c'est du lundi au lundi, donc je la ramasse le lundi, je l'utilise toute la semaine, la fin de semaine, puis je la retourne le lundi d'après. Bon, moi, j'ai des collègues au bureau qui pensent que je paye pas mon essence, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est sur le principe d'une voiture de location. Sauf que je paye pas pour la location, mais je dois ramener la voiture dans le même état, donc propre et pleine d'essence quand je la retourne. Donc, c'était ça ton but, c'est pas avoir à payer l'essence au retour de la Volt. C'est ça. Mon but. C'est que t'es tiré ton kilométrage le plus possible. Ouais, moi, mon but, c'était de pas dépenser d'essence pendant 4 semaines de suite. Donc, avec la Focus, c'était facile. Mm-hmm. Avec la Leaf, c'était facile. Avec la Spark, c'était facile parce que la seule manière j'aurais pu mettre de l'essence dans l'auto, c'est dans un bidon dans la valise, là. Fait qu'il faut vraiment vouloir. La Volt, ben, il y a possibilité de brûler de l'essence avec. Donc, mon but, c'était de pas en utiliser. Et puis, pour faire ça, ben c'est simple. Il faut faire le calcul. Là. J'ai 54 km pour me rendre au travail. J'ai 54 km pour revenir du travail. L'auto a environ, bon, selon GM, 61 km d'autonomie. À quelque part, il fallait la brancher. Donc, je la branchais quand j'arrivais au travail sur le 110 volts. Ben, j'ai pas de borne rapide au travail, mais à la maison, oui. Donc, je la branchais le matin. Et puis, quand je ressortais le soir, après mon bon 8 heures, entre 8 et 9 heures de présence au bureau, ben la batterie était pas mal complètement rechargée. Même, je pense, toutes les fois que j'ai branché la voiture, était pleine charge quand je suis ressorti. Il y a différents modes de recharge. Là, si vous le laissez sur le mode par défaut, la batterie se recharge à 8 ampères. Donc, ça va être c'est 8 ou c'est 10 ampères. Puis, on peut le changer à 12, je pense. Ça, je recherche encore les informations. Mais il y a deux modes de recharge. Faut le mettre sur le mode plus haut. Si vous le mettez sur le mode régulier, donc si vous la branchez puis vous changez rien, vous allez vous ramasser à charger la voiture, mais ça va être plus long. Là, ça peut prendre comme 10 à 12 heures pour avoir une pleine recharge. Tandis que quand on change le mode, ben là, on se ramasse à être capable de la charger en dedans de 8-9 heures. Et puis, ce que j'ai trouvé pessimiste, c'est l'espèce d'estimation de pleine charge de GM. Je branchais la voiture, elle me disait « Ah, ta voiture va être branchée, va être pleinement rechargée vers 5h30. » Et puis, bon, moi, je finis normalement à 4h30. Fait que je me suis dit « Bon, ben elle sera pas pleine charge, mais que je reparte. » Mais j'aurais été capable de m'en retourner. Puis à un moment donné, ce qui est bien aussi, c'est que tu as une espèce de voyant lumineux sur le tableau de bord qui va clignoter vert quand elle est en recharge, puis qui va allumer vert quand elle est en recharge, va clignoter un coup que la charge est pleine. Puis à un moment donné, je me suis levé de mon bureau, je suis allé voir, puis j'étais au deuxième étage, fait que je regardais la voiture du haut, puis je voyais que le voyant clignotait, puis il était pas encore 4h30, fait qu'elle était chargée plus vite que l'estimation m'avait donné. Et une des choses qui est importante aussi à mentionner, c'est que il y a le choix pour le nombre d'ampérages qu'on peut utiliser pour la petite borne incluse de 120 volts ouais. à 8 ampères ou 12 ampères, comme tu mentionnais. Mais c'est un mode de protection aussi parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu branches sur un appareil qui demande beaucoup d'énergie sur une prise 120 volts, qui n'a pas le bon disjoncteur au bout, mm-hmm. ben le disjoncteur va sauter. Ouais, il n'y a plus d'électricité du tout qui sort de là. Fait mm-hmm. que si tu demandes ton 12 ampères, puis la prise extérieure à ton travail est pas capable de le fournir, ça va faire clouc, ça ferme tout seul. Là, t'as plus de chance du tout de te recharger. Fait ouais. qu'il faut vérifier avant, puis il faut demander la permission, s'assurer qu'on peut se brancher là, puis aussi savoir ben quel ampérage il y a de disponible. C'est ça. Sinon, on risque d'avoir des problèmes, surtout si on compte sur le seul et unique système ou de branchement à l'extérieur, puis on le fait sauter à chaque fois. À un moment donné, le boss va dire, bon, ben écoute, t'arrêtes pas de nous faire sauter ça, là, ça marche pas notre affaire. Ouais. Abandonne ça, on repart sur l'essence. Tu te brancheras plus, puis c'est tout. Ouais. Donc, c'est ça, faut faire le test aussi, faut se brancher. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais branché, je l'ai mis sur 12 ampères, j'ai été voir, ah, OK, ça charge toujours, pas de problème. Là, je suis allé voir aussi, voir si le fil venait pas chaud, s'il n'y a pas un problème rendu là, puis finalement, ça s'est bien passé, puis j'ai été capable de la charger tous les jours sur l'ampérage maximum, là, le 12 ampères, puis j'ai eu zéro problème. Donc, ça a vraiment bien été. Même là, la plupart du temps, quand je quittais le travail avec une pleine charge, même si le GM dit une autonomie de 61 km, moi, elle m'affichait 76 km. Puis, selon mes calculs d'utilisation et tout ça, l'estimation est pas mal juste. Quand je revenais chez nous, avec bon mon mode de conduite, parce que l'autonomie estimée va s'adapter aussi à votre style de conduite de la voiture. Si vous êtes toujours le pied dans le plancher, puis vous freinez mal et tout ça, elle vous donnera jamais 76 km d'autonomie estimée. Mais si vous conduisez bien, puis tout, elle va se fier sur votre style de conduite pour vous donner l'estimation de l'autonomie, et puis vous allez être pas mal là-dedans si vous conduisez pas mal toujours pareil. Donc, moi, c'était 76 km, puis souvent, j'arrivais chez nous, puis il me restait des fois une vingtaine de kilomètres là, dans la batterie quand j'arrivais pour la charger sur le 240 volts à la maison. Donc, c'était quand même assez stable. C'est sûr que bon, là, on travaille avec une voiture qui a pas beaucoup de jeu, là. Quand vous faites près de 60 km, puis l'autonomie estimée par le constructeur est à peu près 60 km, c'est pas comme avec une Focus où vous avez 160 km ou 120 km d'autonomie, puis vous en faites 50, là. Le jeu est moins grand, donc on va travailler plus fort pour essayer de rester dans le 60 km. Il y a les modes de conduite. Il y a le L, là, il y a le mode L, il y a le mode D qui est justement le drive normal. Le L va faire des freinages, pas des freinages, mais de la régénération plus agressive. On va relâcher l'accélérateur, puis on a même pas besoin de peser sur le frein, puis on sent que la voiture ralentit, mais c'est plus agressif que juste quand on la laisse en D, là, en drive normal. Moi, je suis curieux, Luc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Quand tu conduis un véhicule, tu es habitué de faire des tests routiers pour des véhicules à essence. Puis mm-hmm. quand tu relâches le gaz, ben, tu sais, ça fait juste flotter. Là, tout d'un coup, t'as un genre de freinage assez agressif. Est-ce que tu trouves ça intéressant comme système? Est-ce que tu trouves ça le fun de conduire de cette façon-là? Ou est-ce que ça t'énerve, t'aimes plus être une conduite plus normale, disons? Non, moi, j'ai utilisé des voitures électriques 4 semaines de fil, donc avec le même style de freinage, là. Mm-hmm. Puis ça me manquait après. Oui. J'aime le fait de pas avoir à appuyer sur le frein pour juste ralentir. Je pense que c'est pas à cause de la paresse non plus, on va le dire tout de suite. Non, non, non. Luc n'est pas paresseux. Non, c'est simplement parce qu'on veut essayer de régénérer la batterie. Puis il y a cet effet-là aussi, c'est un peu comme les gens qui vont conduire à manuel. Puis ils vont rétrograder à chaque fois pour essayer de ralentir le véhicule. Il y a ce petit effet-là aussi. Autant on aime accélérer qu'on aime rétrograder pour ralentir d'une façon spéciale. Puis je pense que ça donne ce petit feeling-là aussi, un véhicule électrique. Oui, c'est ça. Non, moi, je trouve ça vraiment agréable. Puis c'est pas une question de paresse, mais la voiture, elle ralentit graduellement, puis d'une manière vraiment fluide, là. Tandis que des fois, on va freiner nous-mêmes, dépendant de la voiture que tu essaies, les freins sont plus agressifs ou sont plus passifs. Fait que des fois, il faut que tu pèses un peu plus pour avoir un ralentissement comme tu veux l'avoir. Des fois, c'est un peu moins, tandis qu'avec ça, tu relâches l'accélérateur puis ça ralentit, puis c'est bien moins dur sur les freins aussi, là. Je veux dire, on n'utilise pas nécessairement les freins. C'est normalement, dans certains cas, si je me trompe pas, c'est plus le moteur électrique qui te ralentit et non pas nécessairement les freins que tu utilises. Donc, c'est vraiment différent. C'est une sensation qui est vraiment quelque chose d'autre. Puis quand j'ai retombé, j'étais allé reporter à chaque fois que j'allais reporter une voiture électrique, comme la Focus, la Volt, la Leaf, la Spark, je rembarquais dans ma voiture personnelle, qui était une Mazda 3 2008, puis là, je me promenais là-dedans, puis là, j'arrivais à un stop, puis je lâchais l'accélérateur pour aller appuyer sur le frein. Il semble qu'il manque quelque chose. Et tu t'attendais à ce que ça freine. Tu t'attendais à ce que ça freine, en plus. Puis là, t'es comme... Ouais. Tout d'un coup, t'es comme panique totale. « Oh non, c'est vrai, il faut que je pèse sur le frein sur ce truc-là. » Ouais, faut que je le fasse moi-même, ouais, tu sais. Ouais. Fait que non, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler avec puis que je trouvais vraiment agréable. C'était pas dérangeant, c'était comme « Ah, ben c'est donc ben le fun. » Tu sais, que la voiture ralentit tranquillement. Puis, t'apprends à gérer un peu ces choses-là. Puis, à un moment donné, tu vas savoir à quelle distance faut que tu relâches le frein pour arriver presque... arrêter au stop ou à la lumière rouge, tu vas commencer à travailler plus avec ça parce que plus tu vas régénérer d'énergie, mieux que ça va être au bout de la ligne. Tu peux même regagner 1-2 km à juste jouer avec ça à un moment donné sur une distance assez longue, là. Fait que c'est quelque chose à pas négliger quand on conduit une voiture électrique. Puis comme je disais, le mode, quand vous mettez la Volt sur le mode L, ça va régénérer plus agressif que sur le D. Bon, il y a du monde qui conduit différemment. Il y a du monde qui dit « Ah, moi, sur l'autoroute, je le mets en D comme ça. Si je relâche l'accélérateur, ben ça ralentit moins vite. Comme ça, tu es sur l'autoroute, tu veux pas nécessairement ralentir trop vite non plus pour pas te faire rentrer dedans par la personne qui est en arrière. Parce que l'auto ralentit, mais les lumières de frein n'allument pas, là. Fait que ça peut être un peu déstabilisant pour la personne qui suit. Non pas juste pour le conducteur. Fait qu'il faut quand même faire attention. Puis aussi, sur l'autoroute, tu veux utiliser ce qu'on appelle l'air d'aller, là. Tu veux pas, si tu relâches l'accélérateur, tu veux pas non plus trop ralentir puis être obligé de réaccélérer pour atteindre ta vitesse de croisière. Donc, on peut jouer avec ça. Mais on peut jouer pendant qu'on conduit. On n'est pas obligé de décider quand on part en quel mode qu'on va aller. Et puis, rester là. Moi, je jouais avec constamment. Quand j'étais sur des petites routes, puis je savais que j'allais avoir des stops à faire ou des lumières rouges, je le mettais sur L. Sur l'autoroute, je le remettais en D. Il y a un mode il y a des modes de conduite, sport, normal, montagne, qui existent. Puis il y a un mode maintien que j'ai pas essayé, mais le mode maintien, ça garde une charge dans la batterie, donc ça va probablement faire partir le moteur à essence pour garder la charge dans la batterie pour si on arrive à une côte abrupte ou des choses comme ça. Puis le mode sport, ça paraît, ça y donne du oomph un petit peu. Elle se prend pour un autre quand on met sur le mode sport, on voit qu'elle pépé, une petite affaire, puis je déteste pas. C'est pas une voiture qui est lente, là. La Volt, j'ai surpris quelqu'un qui conduisait une Mercedes qui me disait « Ah ouais, mais tu as une auto électrique, ça doit être plate, ça doit être vache. » J'ai dit « Viens faire un tour pour le fun. » Et puis, quand j'ai accéléré, il a resté surpris de comment... Tu l'as planté. Ben non, j'ai pas fait une course contre lui, mais je l'ai embarqué avec moi dans l'auto, puis j'ai dit regarde comment ça peut accélérer une voiture électrique, puis ça l'a collé dans son siège là. Okay. Il a trouvé ça assez intéressant. C'est pas des voitures qui c'est pas parce qu'on dit que c'est une voiture électrique que ça a pas de punch là. C'est capable de décoller d'une lumière rouge ou d'un stop là. C'est des voitures qui sont quand même assez pépées dépendant du mode, mais là, normalement, quand on conduit une voiture comme ça, on veut faire attention, on veut avoir le plus d'autonomie possible, fait que pas trop souvent. T'sais. Normalement, le mode normal va faire le travail. À part de ça, ben, Bon, c'est une voiture qui est quand même bien équipée. Oui, elle est disponible avec des sièges en tissu et tout ça. C'est pas comme la Focus qui est déjà complètement équipée. La Volt, il y a différents modèles. Il y a des modèles de base. Après ça, on peut l'équiper avec des sièges en cuir et tout ça, là. Mais le modèle de base est un peu moins équipé. Il va être aussi un peu moins dispendieux. Mais l'intérieur est quand même confortable. Le seul bon hic, c'est que c'est un 4 places. Le coffre est pas énorme non plus, mais quand même, à mon avis, plus utilisable que peut-être celui de la Focus parce qu'il est plus, il est pas nécessairement plus haut. On n'a pas nécessairement plus d'espace en hauteur, mais bon, vu que la Volt, c'est une voiture à haillons, donc c'est un hatchback, on a quand même plus d'espace, on a quand même assez d'espace en hauteur parce que la vitre est quand même assez haute, mais c'est quand même assez large puis assez long, donc on peut s'en servir pour mettre quand même pas mal de stock dedans. C'est pas aussi petit que ça pourrait paraître, donc c'est utilisable. Puis c'est une voiture qui, bon, d'après moi, est un bon premier pas pour quelqu'un qui veut faire le saut vers la voiture électrique parce que ça enlève pas mal l'anxiété de l'autonomie là, qui, ah mon Dieu, après tant de kilomètres, je vais être obligé de pousser ou d'appeler une dépanneuse. Là. On a un moteur à essence, on a un réservoir à essence, donc on est en théorie, tant qu'il reste de l'essence dans le réservoir, on est capable d'avancer. C'est ce qui va faire que certaines personnes vont être tentées vers aller vers cette voiture-là. Puis ça paraît parce que c'est quand même la voiture la plus vendue. La voiture électrique la plus vendue, j'imagine, au Canada, doit être la Volt parce que les gens ont moins peur de ça vu qu'il y a quand même de l'essence dedans. Toi, les gens sur ton site, Simon-Pierre, en pense quoi de la Volt? Ben, c'est un véhicule qui donne confiance pour l'électromobilité. Les gens qui sont pas trop au courant, ils veulent faire un changement, ils savent pas trop s'ils sont capables de sauter au 100% électrique. Donc, ça leur donne cette confiance-là, ce petit push-là de plus, de pouvoir prendre le véhicule. Puis si jamais la batterie elle tombe à zéro, ben ils peuvent continuer avec l'essence, puis ils ont pas besoin de se poser trop de questions. Ce qu'on remarque aussi avec les propriétaires de Volt, c'est que il y en a beaucoup, comme tu mentionnais, t'as pas utilisé une goutte d'essence. Puis dans ce temps-là, tu te dis, ben finalement, j'aurais été capable de prendre une 100% électrique. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont dire, bon, mais je suis capable de me vanter que j'ai utilisé dans la dernière année 1 litre par 100 kilomètres parce que j'ai roulé surtout électrique. Puis finalement, ce litre-là qu'ils ont utilisé, ben ils ont traîné un moteur à essence, ils ont traîné une tank à essence, ils ont traîné tout le système d'entraînement thermique qui va avec le véhicule, simplement au cas où. Puis ça leur a pas été tellement utile de toute façon. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce saut-là puis se disent, bon, mais ma prochaine, c'est certain que ça va être du 100% électrique. Alors qu'il y a d'autres gens qui font beaucoup de routes puis ils ont vraiment besoin d'un véhicule qui va s'adapter à toutes les situations. Mm-hmm. Ils ont pas le temps d'arrêter pour prendre faire des recharges. Donc ça va être un véhicule qui va vraiment être destiné pour eux. C'est pour ça que les gens doivent prendre un petit moment puis peut-être aller sur le site de l'Association des véhicules électriques pour comprendre un peu quels sont leurs besoins puis comment choisir un véhicule électrique. Parce que le véhicule, la Volt, c'est un véhicule absolument fantastique qui va répondre à tous les besoins. Mais peut-être qu'il y en a des gens qui vont se dire, non, moi, je veux plus d'essence du tout, du tout. Puis là, je veux vraiment faire le saut. C'est 100% électrique ou c'est rien du tout. Puis dans ce temps-là, il faut vraiment faire l'examen de conscience un petit peu, essayer de comprendre nos besoins pour pouvoir, après ça, faire le bon choix. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, comme on dit, la Volt est le bon premier pas. Conscientiser les gens, voir comment c'est le fun de conduire une voiture électrique et tout ça, puis dépendant de vos besoins, puis aussi, la Volt peut être votre voiture principale. Si vous décidez de descendre à Québec, vous vous cassez pas la tête, vous remplissez le réservoir, vous partez, votre premier 60 km environ va être fait en mode tout électrique, puis après ça, vous embarquez sur l'essence, vous êtes capable de la charger, rendu à destination. Bien, votre autre premier 60 km pour vous en revenir va être en mode tout électrique, puis après ça, vous allez embarquer sur l'essence. Fait que c'est quand même ça. Tu sais, moi, j'ai parcouru 504,4 km en tout dans ma semaine, puis ma moyenne est de 0,0 litre au 100 km. C'est quand même pas pire. Puis tu sais, au Québec aussi, la Volt, c'est 50% des ventes des véhicules électriques dans la province. Hein. Okay. Ouais. Puis si on regarde pour cette catégorie-là, donc des hybrides rechargeables, ben on parle de 62% de tous les véhicules au Québec qui sont dans cette catégorie-là. Donc, les gens sont prêts à aller vers l'électrique, mais il y en a encore une bonne majorité qui préfère avoir un véhicule qui va utiliser de l'essence aussi au cas où. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que depuis le début de l'année 2014, il y a une inversion de cette tendance-là, alors qu'on remarque des ventes plus importantes pour les 100% électriques versus les hybrides branchables, donc un ratio de 7 hybrides rechargeables pour 10 véhicules entièrement électriques. Ouais, c'est qui se vendent présentement. Fait que là, ça, il y a vraiment ce changement-là. Il y a des infrastructures qui sont beaucoup plus présentes. La plupart des gens se disent encore, il faut plus de bornes publiques parce qu'ils pensent que c'est une station d'essence, une borne publique. Ouais. Alors qu'ils comprennent pas que c'est vraiment à la maison, il faut le répéter et le répéter encore. C'est à la maison que vous rechargez. C'est quand votre véhicule est stationné. C'est pas pendant que vous êtes en voyage. Quand vous êtes en voyage, vous utilisez une borne de recharge haute vitesse à 480 volts qui va vous recharger en 30 minutes, qui va vous redonner un 100-120 km d'autonomie, puis vous continuez votre route après ça. Donc, il faut comprendre ça. Puis par la suite, les gens qui font des petits voyages de temps en temps, une fois par mois, vont aller voir grand-maman, ben ils pourraient l'utiliser, le véhicule 100% électrique. Puis ceux qui vont faire Montréal-Québec plusieurs fois par semaine, ils voudront pas, même si c'est des bornes de recharge haute vitesse sur l'autoroute. Ça prend quand même quelques recharges pour se rendre à Québec de façon sécuritaire, sans manquer d'autonomie. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir le faire? Non. Dans ce temps-là, la Chevrolet Volt est peut-être un très bon choix. Peut-être que ça serait la Tesla, parce que s'ils font au-dessus de 40 000 km par année, mais dans ce temps-là, la Tesla revient au même prix qu'une Toyota Camry. Donc, faut être capable de calculer puis de déterminer quel est le meilleur véhicule pour ses besoins. Toujours. C'est ça, ouais. C'est pas nécessairement chose facile, mais t'as des outils sur ton site pour aider absolument les gens à faire des bons choix. Mais la Volt, pour moi, est vraiment une voiture sensationnelle. Si j'avais à m'acheter une voiture demain matin, j'étais pressé, puis j'avais pas nécessairement beaucoup de temps pour évaluer mes besoins et tout ça, je pense que la Volt serait mon premier choix. Puis même là, elle est dans mes choix de voiture électrique pour moi, parce que justement, elle te donne la liberté de faire pas mal ce que tu veux. Mais il y a une autre petite voix qui... J'ai comme deux petits démons sur mes épaules, mais c'est pas deux démons, c'est plus deux petits anges, mais ils s'ostinent pareil. Un qui dit « Ah, mais une Volt, ça serait parfait, parce que au pire, t'as le moteur à essence pour te rendre plus loin. » Puis j'ai l'autre qui me dit « Ouais, mais tu sais, avec la Volt, tu peux encore brûler du gaz. » Puis l'autre, tu sais, puis qui dit, tandis qu'il s'achète une voiture 100% électrique, t'as même pas l'option de mettre du gaz. Comme je disais, la seule manière de mettre du gaz dans une voiture entièrement électrique, c'est d'avoir un bidon essence dans valise pour la tondeuse ou quelque chose comme ça. Donc, c'est les deux petites voix qui s'ostinent dans ma tête, mais bon, ça. On règle. Veux-tu d'autres petites voix comme ça? Veux-tu partager avec nous? Non, non, c'est beau. C'est les seules petites voix qui se parlent quand je pense voiture électrique. OK, c'est assez rassurant. Ouais, on va laisser ça comme ça pour les autres. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. Bon, les gens qui seraient intéressés par une Volt, vous avez le choix de l'acheter flambant neuve de votre concessionnaire. Faites attention, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Laissez-vous pas berner ou laissez-vous pas enfirouaper, comme on pourrait dire, par des histoires de vendeurs nécessairement des fois. Il y a du monde qui sont pour, il y a du monde qui sont contre les voitures électriques ou même la Volt dans des concessionnaires. J'ai entendu des histoires de monde qui rentre là pour s'acheter une Volt, puis finalement ils sortent avec une Cruze ou quelque chose d'autre parce que le vendeur a tellement presque craché sur la voiture en disant que c'était pas si bon que ça, que puis c'était pas pour eux autres, puis toutes qui sont sortis avec une voiture à essence. Là. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il y en a qui font en plus, certains vendeurs, là, ce qu'ils vont faire? Ils vont dire « Ok, on va aller faire un petit tour avec l'auto électrique, puis la batterie est quasiment morte. » Fait que l'auto est pas rechargée pendant tout. Fait que là, dès ta première expérience de conduite avec une voiture électrique, ils te foutent la trouille en disant « Ah, oh, mon Dieu, ben on va peut-être manquer d'autonomie. » Ça fait que là, les gens stressent dès le départ, puis ils disent « Ah, ben finalement, c'est pas pour moi. » C'est des trucs de vendeur. Des fois, ça peut être positif, leur truc de vendeur. Des fois, ça peut être très négatif, puis ça, c'est très négatif. Mauvaise première impression. Donc, c'est ça, laissez-vous pas berner à aller voir quelqu'un qui connaît ça ou qui aime ça. Je sais, puis c'est pas nécessairement dans la cour de tout le monde, là, mais Bourgeois à Rawdon est un des concessionnaires GM, ou ben, le concessionnaire GM qui vend probablement le plus de Volt au Canada. En fait, ils ont gagné le prix, Luc, du meilleur concessionnaire de véhicules électriques au Canada. Bon. 34% de leur chiffre d'affaires est fait avec les Volt puis les Spark seulement. Ouais. Puis ils ont l'intention de. Puis ça, c'est l'année dernière, c'était 14%. Ils ont monté ça à 34-35%. Puis ils ont l'intention de monter ça jusqu'à 50% l'année prochaine. C'est un des concessionnaires numéro un au Québec pour le service. Les gens sont hyper compétents. Les vendeurs connaissent le véhicule inside out. Ils vont te le prêter pour que tu le laisses. Donc ça, c'est une belle réussite. Puis ça démontre à quel point que si on est capable d'entraîner ces vendeurs comme il faut, on est capable de vendre le véhicule très facilement. Exactement. Fait que moi, c'est une place que je vous conseille. Allez voir Hugo ou allez voir Samuel. C'est grâce à eux que j'ai pu essayer aussi la Spark électrique. La Spark que j'ai roulée pendant plus d'une semaine, je l'ai eue pendant, je pense que je l'ai eue pendant 11 jours. C'est la Spark de Hugo, qui est un des propriétaires de Bourgeois à Rawdon. Donc, allez les voir, allez faire un tour. Il y a des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick, il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour aller acheter une Volt chez Bourgeois parce qu'ils connaissent ça. Et puis comme Simon-Pierre disait, ils vont vous la prêter pendant une couple de jours pour que vous ayez une idée de c'est quoi vivre avec une voiture électrique, puis Sauf comment. si tu viens du Nouveau-Brunswick, là, ils Ouais. t'apprêteront pas. Non, faut être quand même local, là. Non, parce que là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si vous êtes du coin, ils vont vous la prêter, ils vont vous la faire essayer. Fait que allez voir ça. Vous allez voir, la Volt, c'est vraiment une voiture qui est agréable à conduire. C'est silencieux, c'est vraiment le fun. Je l'ai conduit deux fois en dedans dans les dernières années, là. Puis c'est une voiture qui est vraiment, vraiment le fun à conduire. Je pense qu'il y a d'autres concessionnaires aussi qui se démarquent beaucoup au Québec. Il y a Marlin Chevrolet dans la région de Québec qui font, ils ont des grosses ventes pour la Volt aussi. Puis Gravel à Montréal sur l'île des Sœurs qui ont des gens qui sont vraiment bien éduqués, bien informés sur les véhicules électriques, qui sont des passionnés, qui sont toujours impliqués dans les activités pour faire la promotion des véhicules électriques. Puis je vais faire une petite plug ici pour les gens qui sont membres de l'AVEC, qui ont une carte de membre, peuvent avoir un 500 $ de rabais à l'achat ou la location d'une Chevrolet Volt. Donc, Donc bonne affaire. c'est super intéressant. Ah, oui. Aussi, tu peux avoir des rabais sur la garantie prolongée, puis certains accessoires et services pour la Volt aussi. Bon, fait que le message est passé. Oui. Fait que la Volt, moi, je donne un gros pouce en l'air, là. C'est vraiment une belle voiture. C'est vraiment une belle réussite pour GM. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont avoir aussi dans les cartons pour les prochaines années. Il y a la Volt 2.0 qui va être annoncée à Détroit cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Là, on s'attend pas à une révolution, là. Elle aura pas 300 km demain matin, là. Mais supposé c'est un petit peu amélioré. Il y a des rumeurs que ça va être une 5 places et non pas une 4 places. Il y a confirmation, je dirais entre guillemets, que le moteur va être plus petit, donc moins énergivore et moins lourd. Donc ça va aider l'autonomie, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle génération de la Volt, parce que la Volt était sur ma liste d'achat, donc elle pourrait le demeurer si elle s'améliore. Mais Luc, c'est quand que tu vas me dire exactement qui est le gagnant de tous tes essais? Ça va être notre cadeau de Noël? Ouais, ben j'aurais aimé pouvoir faire ça après avoir essayé la Soul. La Soul, oui. Mais comme ça se fera peut-être pas, ben je vais peut-être être obligé de le faire sans. Mais ça, on va voir. Je vais essayer de au moins donner mes choix personnels d'ici à la fin de l'année. Puis au pire, je rajouterai ou je ferai un petit astérix pour la Soul quand je l'aurai essayé. Je la remettrai dans mon classement. Mais ça, on verra ça à la fin. Ou je le ferai dans la dernière émission quand on parlera de la Leaf ou des choses comme ça. On verra ce rendu-là. Mais la Volt est dans mes choix, c'est sûr et certain. Eh bien, le fun. Donc, on va terminer ça là-dessus. Messieurs, si on veut vous rejoindre, comment fait-on ça? On va commencer par toi, mon Jean-François. Par Twitter, JFLIEU. C'est, pour l'instant, c'est pas mal le principal média social pour me rejoindre. Parfait. Toi, Simon-Pierre? Moi, on peut toujours rejoindre l'Association des véhicules électriques du Québec au www.aveq.ca. On est sur Facebook, Twitter, Flickr, YouTube. On est sur tous les médias sociaux. On a des guides d'achat, on a des conseils, on a des forums pour échanger. Des gens qui connaissent pas trop les véhicules électriques puis sont intéressés peuvent discuter avec des propriétaires, des véritables propriétaires, puis avoir des actualités sur tout ce qui se passe en électromobilité à chaque jour. Oui, c'est un très bon site. J'ai ramassé plein d'informations là-dessus pour ma borne et tout ça. Et puis, moi, si vous voulez me rejoindre, ben, c'est sur Twitter, @Calazormo. Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est @PodcastAuto. On a une page Facebook, Podcast Auto, si vous allez vous allez visiter et discuter avec nous. Vous pouvez aussi nous écrire à lepodcastauto@gmail.com. Puis, vous pouvez me lire si vous n'avez pas assez de m'entendre par le podcast. Vous pouvez aller me lire aussi sur le blog de Kijiji qui est fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. À chaque semaine, je mets un article sur l'automobile. Toutes les voitures dont on parle présentement, là, puis dans les prochaines semaines, les articles ont tous été mis sur le site de Kijiji. Donc, si vous voulez lire l'article après avoir entendu parler de la voiture, mais vous pouvez aller là puis faire la recherche. Ils ont changé leur site, Kijiji. C'est pas mal plus beau que c'était. Plus facile à naviguer et surtout plus beau à naviguer aussi. Là, ça avait l'air un petit peu vieillot avant. Là, présentement, ils ont vraiment amélioré les choses. C'est pas mal plus beau que c'était. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Merci messieurs d'avoir partagé un petit peu plus d'une demi-heure avec moi encore cette semaine. Et puis, ben, on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de la Chevrolet Spark, qui est une voiture, ma foi, difficile à obtenir au Québec. Mais vous allez voir de quoi j'en ai pensé. C'est une belle petite voiture électrique qui a, elle aussi, pas l'air de quelque chose qui est sorti d'une autre dimension. Là. Ça ressemble pas mal à une voiture à essence parce qu'elle se fait aussi en modèle à essence. Donc, on parle de ça la semaine prochaine. Donc, là-dessus, merci tout le monde. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye-bye. Bye-bye.